Chapitre 26, la boisson, la tempérance et l'épargne. La classe ouvrière anglaise est littéralement noyée dans les demi de bière. Celle-ci la rend stupide, l'abrutit et diminue considérablement son efficacité. L'ouvrier anglais n'a plus cet esprit de répartie, cette imagination et ses réflexions rapides qui faisaient l'apanage de sa race. Cette dégradation n'est même pas une habitude acquise. Il y est trempé dès sa plus tendre enfance. Les gosses sont conçus dans l'ivresse et sont saturés de boissons avant même qu'ils ne poussent leur premier vagissement. Ils naissent dans les vapeurs de l'alcool et grandissent au milieu d'elles. Les cafés sont partout. Ils fleurissent à chaque coin de rue et entre tous les coins de rue. On y voit aussi bien des hommes que des femmes et même des enfants qui attendent que leurs parents soient suffisamment imbibés pour les ramener à la maison. Ils sirotent les verres de leurs aînés et ouvrent toutes grandes leurs oreilles sur ce langage fleuri et les conversations salées qui s'y déversent, s'y habituent et se familiarisent ainsi avec le dévergondage et la débauche. Les lois souveraines de Madame Grundy, qui règnent aussi bien sur la classe ouvrière que sur la bourgeoisie, deviennent caduques chez l'ouvrier, dès qu'il entre dans un café. Il n'attache à cet endroit aucune notion de péché ou de honte, et la jeune fille ou la femme qui le fréquente n'en a aucun remords. Je me souviens d'une jeune fille qui déclarait dans un café « Je ne bois jamais d'alcool quand je suis dans un débit de boisson. » C'était une jeune serveuse de restaurant, fort jolie ma foi, et elle exposait à l'une de ses collègues, avec une certaine pointe d'orgueil, ses idées sur la bienséance et sur la décence. Madame Grundy n'allait pas jusqu'à tolérer qu'on puisse boire de l'alcool dans les cafés, mais trouvait tout à fait normal pour une jeune fille encore pure de s'abreuver de bière et de s'installer dans un café pour se faire. Cette bière est nocive pour les gens qui la boivent, et trop souvent ceux qui la consomment ont une santé trop fragile pour lui résister. C'est parfois d'ailleurs leur état de santé qui les amène à la boisson. Sous-alimentés, mal nourris, souffrant des effets diaboliques d'une surpopulation grandissante et de la misère, ils développent chez eux un désir morbide pour la boisson, exactement comme l'estomac malade de l'ouvrier d'une certaine usine de Manchester où la surproduction est de rigueur, réclame avec force quantité de vinaigre, ou d'autres denrées aussi néfastes. Le travail malsain, la vie malsaine, engendrent des appétits et des désirs malsains. On ne peut pas faire travailler un homme comme un cheval, le faire vivre et le nourrir comme un porc, et dans le même élan, lui demander d'avoir des aspirations saines et des vues pleines d'idéal. Dès que la vie de famille disparaît, le débit de boisson la remplace. Ce ne sont pas seulement les hommes et les femmes dégoûtés de tout, ceux qui travaillent comme des brutes et qui sont avelis par la saleté et la monotonie de leur existence qui fréquentent les cafés, mais aussi le troupeau des hommes et des femmes sans aucune vie de famille, qui se sauvent de chez eux pour venir s'agglutiner aux consommateurs brillants et bruyants des débits de boissons, dans l'espoir futile de satisfaire ce désir d'être en compagnie. Et lorsque toute une famille est parquée dans une seule petite pièce, la vie de famille devient impossible. Un bref examen d'un tel lieu d'habitation servira à apporter toute la lumière sur l'une des causes les plus importantes de l'alcoolisme. Ici, c'est toute une famille au grand complet qui se lève le matin, s'habille, fait sa toilette, le père, la mère, les fils et les filles, tous parqués dans la même pièce et serrés épaule contre épaule, la pièce est si petite. Puis la mère prépare le petit déjeuner. Dans cette même pièce, dont l'atmosphère est déjà passablement alourdie des exhalaisons écœurantes de tous les corps entassés, tout au long de la nuit, on avale le petit déjeuner. Le père s'en va à son travail, les aînés à l'école ou dans la rue, et la mère reste avec les plus petits qui rampent sur le plancher et se faufilent à travers ses jambes. Elle s'occupe des travaux de la maison, toujours dans la même pièce. Elle y lave les vêtements, et l'espace est immédiatement empuanti par les odeurs de l'eau de savon et du linge sale. Puis, pour couronner le tout, elle pend le linge humide pour le faire sécher. Le soir venu, au milieu des diverses odeurs de la journée, la famille vient s'entasser dans le coin où ils dorment. C'est-à-dire qu'ils envahissent au maximum leur lit, s'ils en ont un. Le reste de la famille couchant à même le sol. Et c'est ainsi que s'écoule la vie, mois après mois, année après année. Ils ne connaissent pas les vacances, mais par contre savent très bien ce qu'est l'expulsion. Lorsque l'un des enfants meurt, et il y en a toujours qui sont condamnés à mourir, puisque 55% des enfants de l'East End meurent avant d'avoir atteint 5 ans, on installe le corps dans la petite pièce du logement. Si ce sont vraiment des gens très pauvres, On va laisser là le petit cadavre pendant le temps nécessaire pour ramasser l'argent de l'enterrement. Toute la journée, on mettra le corps sur le lit, et pendant la nuit, comme les vivants occupent le lit, on le placera sur la table, sur laquelle on mangera le lendemain le petit déjeuner, tandis que le petit cadavre sera replacé sur le lit. Dans certaines maisons, on installe la dépouille mortelle de l'enfant sur l'étagère, qui sert en temps normal de garde-manger. Il y a à peine une semaine, une femme de l'East End a eu des démêlés avec la police, parce qu'elle avait conservé pendant 3 semaines le corps de son petit garçon, n'ayant pas les moyens de l'enterrer. Cette pièce, comme je viens de vous le dire, ne peut en aucun cas constituer un foyer, tant elle est horrible pour les gens qui sont obligés d'y vivre. Et si ceux-ci la désertent pour s'en aller au café, on ne peut pas les en blâmer, on devrait plutôt les plaindre. On a calculé que dans Londres, 300 000 personnes, groupées en famille, vivent dans une seule pièce, tandis que plus de 900 000 sont hébergées illégalement, selon les lois sur la santé publique de 1891. C'est un terrain de recrutement tout prêt pour l'alcoolisme. Et puis, il y a aussi cette insécurité de bonheur, cette précarité de l'existence et cette peur devant l'avenir. Les voilà les facteurs bien puissants qui entraînent les gens à boire. Le malheureux cherche désespérément des remèdes pour alléger sa souffrance, et le café apporte soulagement et oubli. D'une façon malsaine, bien sûr, mais dans la vie de ces gens-là, tout est malsain. Ils trouvent là-bas l'oubli, et rien d'autre dans leur existence ne peut leur apporter cet oubli temporaire qui les exalte et leur donne l'impression d'être plus beaux et meilleurs, alors qu'en réalité, ils les plongent encore plus dans l'abîme, et les fait davantage ressembler à des bêtes. Cette course perpétuelle contre la misère, pour ces misérables, ne pourra se terminer que par la mort. Il est inutile de venir prêcher la tempérance et l'anti-alcoolisme à ces gens. L'habitude de boire peut être la cause de plusieurs misères. Mais elle est, par contre, l'effet de plusieurs autres misères qui ont précédé cette habitude. Les avocats de la tempérance peuvent prêcher en toute bonne foi sur les méfaits de l'alcoolisme, tant qu'ils n'auront pas fait disparaître les autres méfaits. Ceux qui amènent les hommes à boire, on n'aura pas progressé, et la boisson et son cortège de misère subsisteront. Tant que les personnes de bonne volonté, qui essaient sincèrement d'aider ces malheureux, n'auront pas réalisé ce que je viens d'exposer, tous leurs efforts seront vains, et leur spectacle sera juste bon à faire rire les dieux de l'Olympe. Je suis allé l'autre jour à une exposition d'art japonais, destinée aux pauvres de Whitechapel. On avait pensé, de cette façon, élever leurs esprits et les ouvrir à la beauté, à la vérité et à la bonté, en admettant, ce qui est loin d'être vrai, que les pauvres aient envie de connaître la beauté, la vérité et la bonté, leur vie même et les lois de cette société qui condamne un tiers des leurs à mourir dans les locaux de la charité publique, sont une preuve que cette connaissance ne serait pour eux qu'un fléau supplémentaire. Ils auront encore bien plus à oublier que s'ils ne l'avaient jamais connue. Si la destinée m'avait condamné à vivre cette vie d'esclave, qui est celle de l'ouvrier de l'East End jusqu'à la fin de mes jours, et si cette même destinée ne m'autorisait qu'un seul vœu, je demanderais immédiatement d'oublier tout ce que je sais sur la beauté, la vérité et la bonté, tout ce que j'ai appris dans les livres, tous les gens que j'ai connus, tout ce que j'ai entendu et tous les pays que j'ai visités. Et si je ne pouvais obtenir tout cela de cette destinée, eh bien je crois que moi aussi je deviendrais alcoolique, pour oublier le plus possible tout ce que je sais. Parlons maintenant de ces gens qui tendent une main secourable. Leurs œuvres sociales, leurs missions, leurs équipes de charité, et tout le tremblement, tout cela peut se résumer en un seul mot, échec. C'est tout à fait naturel que l'on ne puisse parler que d'échec en la matière, parce qu'ils absorbent les problèmes avec des idées complètement fausses, bien que sincères. Ces braves gens approchent l'existence des malheureux sans la comprendre le moins du monde. Ils n'arrivent même pas à savoir comment vivent les habitants du West End, et débarquent dans l'East End comme des professeurs et des savants. Ils n'ont absolument pas assimilé la sociologie pourtant simple du Christ, mais se penchent sur ceux qui vivent dans la misère et le mépris de tous avec la pompe de rédempteurs sociaux. Ils mettent pourtant tout leur cœur à leur ouvrage, mais si l'on excepte la poignée de miséreux qu'ils ont secourus de la misère, et la toute petite part de renseignements sur l'East End, qu'on aurait pu avoir d'une façon plus scientifique et avec moins de frais, on doit conclure que leur action a été particulièrement négative. Comme quelqu'un l'a dit un jour, ils font tout pour les pauvres, sauf les laisser tranquilles. Même l'argent qu'ils donnent pour les enfants des pauvres, ils l'ont arraché aux pauvres. Ils viennent de cette race de bipèdes sans problème et sans scrupules, qui prennent une part sur le salaire de l'ouvrier et s'autorisent de conseiller les travailleurs sur la meilleure façon d'utiliser ce qui leur reste et qui ne leur ont pas pris. À quoi cela sert-il, au nom de Dieu, de construire des crèches pour les ouvrières où elles viendront porter leur progéniture pour s'en aller trimer? À leur fabrique de violettes d'Islington, à 3 farthings la grosse, alors qu'on ferait mieux de s'occuper des enfants et des ouvrières sur violettes. L'ouvrière sur violette tient chaque fleur 4 fois dans sa main, ce qui fait 576 fois pour le misérable salaire de 3 farthings la grosse. Dans une journée entière, elle aura tenu 6 912 fleurs et touchera seulement 9 pence. Elle est volée, elle est exploitée, et ce n'est pas la connaissance de la beauté, de la vérité et de la bonté qui allégera son fardeau. Mais ils ne font rien pour elle, ces amateurs, et ce qu'ils n'ont pas fait pour la mère annule le soir, quand l'enfant rentre à la maison, tout ce qu'ils ont pu faire pour lui pendant toute la journée. Tous ces gens qui veulent aider se rejoignent dans leur sermon sur un mensonge fondamental, et le fait qu'ils ignorent ce qu'est un mensonge ne lui confère pas pour autant une apparence de vérité. Ce mensonge, c'est l'épargne. Je n'ai besoin que d'un seul exemple pour démontrer la véracité de mes dires. Dans Londres surpeuplée, il y a une compétition féroce pour rechercher un emploi, ce qui fait que les salaires diminuent d'autant. Dans cette lutte pour le travail, celui qui vit sur un niveau moins élevé va demander moins cher que celui qui a l'habitude de ne pas se priver. Ce qui fait que le petit groupe des épargnants qui vit au-dessous de ses moyens fera constamment baisser l'échelle des salaires de cette industrie où l'offre est moins grande que la demande. Les épargnants ne pourront le rester longtemps car leurs rentrées seront tellement amoindries qu'elles arriveront à faire équilibre à leur sortie. L'épargne, si je puis me résumer par ce paradoxe, est la négation même de l'épargne. Si tous les ouvriers de l'Angleterre tenaient compte des propos de ceux qui leur prêchent l'épargne, étant donné qu'il y a plus d'hommes à la recherche d'un travail que de travail possible, on arriverait rapidement à avoir des salaires moitié moindres. Il n'y aurait plus alors aucun ouvrier capable d'épargner quoi que ce soit, et les gens vivraient bien au-dessus de leur salaire tronqué. Les prêcheurs d'épargne, à la vue courte, seraient évidemment les premiers étonnés du résultat, mais la mesure de leur échec serait proportionnelle au succès de leur propagande. De toute façon, c'est une idiotie sans nom que de prêcher l'épargne aux 1 800 000 ouvriers londoniens qui n'ont que 21 shillings par semaine pour nourrir leur famille, et dont un quart sert tout juste à payer le loyer. Parmi tous les gens de bonne volonté qui s'efforcent d'aider les malheureux dans ce district londonien, bien souvent avec peu de succès, je voudrais faire une exception pour la personne du docteur Barnado Holmes. Lui, sa spécialité, ce sont les enfants. Il les sépare de leurs parents lorsqu'ils sont encore jeunes et n'ont pas encore été contaminés par le moule de la société et les envoie le plus loin qu'il peut, là où il sait qu'ils trouveront des conditions de vie et de formation meilleures. Il a ainsi expatrié jusqu'à ce jour 13 340 garçons, la plupart vers le Canada. Et la proportion de ses échecs est infime, 1 cas sur 50. C'est assez surprenant si l'on considère que ces garçons sont des épaves, des enfants abandonnés sans père ni mère, sans même un toit pour les abriter, et dont le seul avenir était le fond de l'abîme. Il peut ainsi, sur 50 garçons, permettre à 49 de devenir des hommes. Chaque jour de l'année, le docteur Barnado arrache 9 épaves à la rue, ce qui explique le nombre considérable d'enfants qu'il a pu sauver. Les aideurs ont certainement quelque chose à apprendre de cet homme qui ne joue pas avec les « à peu près » et traque le vice de la misère là où ils sont. Il retire les enfants des gens des ruisseaux de leur environnement pestilentiel, les intègre dans un environnement sain et salutaire dans lequel ils s'épanouissent, se découvrent et se transforment en hommes. Lorsque tous les bienfaiteurs cesseront de faire joujou avec les crèches et les expositions d'art japonais, et qu'ils retourneront apprendre leur West End et la sociologie du Christ, ils se retrouveront en meilleure forme pour accomplir la tâche qui les attend dans le monde. Et s'ils s'attellent sérieusement à ce travail, ils auront intérêt à se mettre sous la houlette du docteur Barnado, avec naturellement des moyens plus importants que les siens, ce qui permettra d'opérer sur une échelle aussi grande que la nation est vaste. Ils n'iront surtout pas fourrés de désirs de connaissance de la beauté, de la vérité et de la bonté dans l'esprit de la femme qui fabrique des violettes à 3 farthings la grosse. Ils feront en sorte que son exploiteur lui fiche la paix et cesse de s'empiffrer sur son dos et que, tout comme les Romains du bon vieux temps, il aille prendre un bain pour faire partir sa graisse. Et à leur plus grand étonnement, ils s'apercevront qu'eux aussi doivent laisser tranquille cette femme. et quelques autres et quelques enfants aussi. Mais ils ne s'étaient même pas aperçus qu'ils les importunaient.